Ici, Paul dit, au verset 15, « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et il dit, il prend un cas pratique, c'est le cas de Pharaon. Dieu a envoyé Moïse pour dire à Pharaon, « Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Mais entre-temps, le même Dieu dit, « Je sais que Pharaon ne va pas vous laisser partir parce que c'est moi-même Dieu là, je vais endurcir son cœur. » Je vais endurcir son cœur pour que Pharaon et les Égyptiens puissent faire éclater ma gloire. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que Dieu peut même endurcir le cœur de quelqu'un pour un but, pour que sa gloire éclate. Il a fallu que le cœur de Pharaon s'endurcisse pour qu'il ne laisse pas partir Israël, pour que Dieu frappe Pharaon et les Égyptiens de fléau. Et pour que maintenant Pharaon comprenne que ce n'était pas ce Dieu, ni ce magicien qui était capable d'empêcher Dieu d'agir. Il était maintenant contraint de laisser partir Israël, vous voyez? Et maintenant lorsque Dieu allait frayer les eaux, il allait couper les eaux de la mer Rouge en deux, les enfants d'Israël allaient traverser à sec. Et quand Pharaon allait entrer dans l'eau, les eaux allaient l'engloutir et la gloire de Dieu allait éclater. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu comprends? Peut-être que jusque-là, il y a une force satanique qui bloque ton mariage. Malgré tes prières, il y a quelqu'un qui est endurci. C'est Dieu lui-même qui peut permettre cela. Parce qu'il y a un temps où le Seigneur va maintenant démontrer sa puissance pour te délivrer. De telle sorte que les gens seront étonnés quand ils verront ton mariage, quand ils verront comment tu vas travailler. Vous voyez, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Deuxième vérité, nous ne devons pas contester avec Dieu. Parce que lui, il est comme le potier, nous, nous sommes comme des vases. Quelqu'un ne va pas dire, pourquoi Dieu a fait ceci? Regardez, le potier, il peut fabriquer avec un vase, lui donner la forme qu'il veut. Donc, le vase ne peut pas dire au potier, non, il ne faut pas me donner cette forme-là, moi je n'aime pas cette forme. Vous voyez, Dieu nous a créés. Je vais parler à quelqu'un. La taille que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. La forme que tu as là, même la nationalité, Dieu a permis que tu naisses dans cette famille. Pourquoi envies-tu toujours les autres? Tu dis, vraiment, moi j'aurais voulu naître dans une autre famille. Moi j'aurais voulu être de telle nationalité. Je suis dans une famille maudite. Ne dis pas ça, mon frère, ne dis pas ça. C'est Dieu qui a permis que tu naisses dans cette famille. Cette famille où il y a des problèmes. Cette famille où les gens vivent dans la pauvreté, dans la sorcellerie. Je vais dire que c'est à partir de toi que les choses changeront. Est-ce que tu comprends? Dieu t'a positionné dans cette famille, comme il a positionné Joseph, pour qu'à partir de l'élévation de Joseph, toute la famille allait maintenant trouver de vivre en Égypte. Vous voyez? Dieu, il est le potier. Tu ne peux pas dire à Dieu, contester, dire Dieu tu es injuste. Non, je vais parler à quelqu'un. Tu as perdu un être cher. Tu cherches à comprendre pourquoi il est mort. Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste, ma sœur. Dieu n'est pas injuste, mon frère. Il est le vase. Reconnais sa souveraineté. Ne conteste pas. Ne te révolte pas contre Dieu. Il sait pourquoi il a permis cela. Troisième vérité concerne le salut des non-juifs. Vous voyez? Oh, nous avons cette grâce. Nous qui ne faisions pas partie du peuple élu de Dieu. Dieu a permis que Israël, peuple élu, soit endurci, qu'il rejette le Messie. Et que nous, par la foi, nous devenions son peuple. Vous voyez, c'est ce que Paul est en train de montrer ici. Nous avons cette grâce-là. Et il montre plusieurs promesses des prophètes de l'Ancien Testament qui montraient déjà que Dieu destinait le peuple, le non-juif, au salut. C'est pourquoi il dit ici, au verset 24, « Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Vous voyez, oh, quelle grâce! Et il dit, au verset 30, « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. » Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Vous voyez, les œuvres ne peuvent pas sauver. Le temps des œuvres sont passés. Vous voyez, d'ailleurs, personne ne pouvait par les œuvres être sauvé. Personne ne pouvait par les 10 commandements, par la loi être sauvé. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu, il a envoyé son fils Jésus-Christ, celui qui a obéi parfaitement à la loi divine.

Alléluia, il est digne de louange, notre Dieu. Il est digne de gloire. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous et pour ce qu'il continue à faire dans nos vies, chaque jour, chaque matin. Bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, toi le Dieu qui conduit. Oui, tu es le Dieu tout-puissant. Merci, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu fidèle. Tu es celui qui accomplit ta parole avec fidélité. Tu es le Dieu omniscient, le Dieu qui connaît toutes choses. C'est pourquoi nous te bénissons en ce moment. Sois béni notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui choisit, le Dieu qui établit et qui conduit jour après jour ton peuple. Sois magnifié, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Père de gloire, le Seigneur de gloire, le Dieu plein d'amour. C'est pourquoi tu ne cesses de nous conduire dans la vérité. Nous bénissons ton nom en ce moment et nous te glorifions, nous te magnifions, notre Seigneur et notre Dieu, notre Père. Toi, le Père de gloire, reçois en ce moment l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission des prières matinales, acronyme OSB qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions selon les textes bibliques. Et pour aujourd'hui, notre passage de base, c'est Romains chapitre 9, 14 à 33. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web. Et où que vous soyez, que ce soit en Europe, en Amérique, dans un autre pays africain, dans la Côte d'Ivoire profonde, si cette émission vous édifie, vous pouvez en parler. Donnez le site web. Partout où il y a Internet, quelqu'un peut prier avec OSB. Notre passage du jour, c'est Romains 9, 14 à 33. Nous venons de voir ici la souveraineté de Dieu. Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu ne comprends pas. Des choses qui se passent dans ta famille que tu ne comprends pas. Ça fait longtemps, il y a quelqu'un qui vit dans ta famille là. Il fait des fétiches et tu te poses des questions. Mais comment Dieu les laisse encore vivre? Et c'est quelqu'un qui est vraiment orgueilleux, hautain. Ça fait partie de la souveraineté de Dieu, ma sœur, mon frère. Il fait miséricorde à qui il veut. Tu vas tout simplement dire merci au Seigneur. Parce qu'il est ce Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon. Pour que Pharaon fasse éclater sa gloire. Il est le même Dieu. Élève ta voix, bénis-les en disant Seigneur, même si je ne comprends pas, mais je sais que tu es souverain. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux dans ma vie. Prions le Seigneur. Tendre Père, avec confiance, avec assurance, nous te louons de tout lieu. Avec assurance, avec confiance, nous te louons chaque jour. Nous te louons chaque jour, ô Père éternel, parce que tu veilles sur nous et ton amour pour nous est constant. Ton amour pour nous ne change jamais. Ce matin, Père éternel, nous élevons ton saint nom en reconnaissant ta souveraineté dans tout ce que tu entreprends. Toi, tu es le Dieu souverain et tu fais ce qui te semble bon pour chacun d'entre nous. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation que nous ne comprenons pas véritablement. Nous nous tournons vers toi chaque fois, ô Père éternel, que nous avons l'impression que tu fais le deux poids, deux mesures. Mais nous savons que tu es un Dieu juste, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu intègre, tu es un Dieu amour et tu ne fais point de favoritisme. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te glorifions pour tes hauts faits. Nous te bénissons pour ta souveraineté. Nous te bénissons pour ta grandeur. Nous te bénissons pour toutes les choses que tu réalises dans notre vie. Lorsque nous tombons en défaillance et que nous avons les regards tournés vers toi, tu nous relèves, tu nous restaures, tu nous consoles. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié à tous égards, Père éternel, pour ta bonté, pour ta miséricorde, ta miséricorde qui dure à toujours, quel que soit ce que tes enfants ont fait, quelles que soient les actions de tes enfants à ton encontre, chaque fois qu'ils se sont tournés vers toi et qui ont invoqué ton nom, tu as toujours été là pour la restauration, pour manifester ta bonté. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous sommes des vases. Dieu, c'est le potier. Nous ne devons pas contester avec Dieu. Nous ne devons pas murmurer contre Dieu. Parce que Dieu nous donne la forme qu'il veut. Dieu nous donne la forme qu'il veut. Dieu nous donne la taille qu'il veut. Il nous donne le teint qu'il veut. Dieu a permis que nous naissions dans une famille, dans une telle, que nous fassions partie de telle nationalité. Même si dans ta famille, tu penses que ta famille est une famille maudite. Non, ce n'est pas vrai, ma sœur. Il est le Dieu qui t'a donné la forme que tu as. Demande pardon à Dieu pour tes murmures, pour tes révoltes contre Dieu. Tu es retourné dans le monde parce que tu dis, Dieu t'a abandonné. Comment Dieu ne te bénit pas? Prie le Seigneur qu'il t'aide à comprendre sa souveraineté et que tu puisses se soumettre à sa volonté et que tu acceptes ce qu'il fait, qu'il te donne la forme que lui-même a choisie et que lui-même t'oriente dans sa volonté. Prions le Seigneur. Remercier ce matin notre Dieu, notre Père, toi le potier de notre vie. À qui irons-nous pour avoir cette forme, pour avoir ce teint, pour avoir notre Dieu cette taille, pour faire de nous un homme comme une femme? C'est toi seul qui peux le faire. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous bénissons ton nom et tu sais les raisons pour lesquelles tu nous as donné cette taille. Tu nous as donné ce teint, tu nous as donné cette forme. Gloire te soit rendue à jamais, jour après jour, que nous te rendions toute la gloire pour tes bienfaits, pour tes grâces, pour tes faveurs, pour ta miséricorde, parce que nous sommes des vases que tu as façonnés à ta guise pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Tu nous as créés à ton image, en nous donnant une volonté, une intelligence, en faisant de nous des hommes que tu veux utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Gloire te soit rendue à jamais. Aide-nous à ne pas nous rebeller contre toi, à ne pas jalouser notre prochain. Pourquoi lui il a tel teint? Pourquoi lui il a telle forme? Moi, Dieu ne m'a jamais aimé. Ou bien, pour telle raison. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne fais exception de personne. Tu n'as pas de parti pris. Gloire à toi. Nous te prions ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir la grâce que Dieu nous a faite. Nous, les non-juifs. Nous n'étions pas le peuple de Dieu, mais Dieu nous a sauvés en Jésus, par la foi en Jésus. Disons merci à Dieu et continuons de prier pour d'autres peuples, à prier pour nos amis, pour nos parents qui ne connaissent pas encore le Seigneur, les gens qui sont encore incrédules, des gens qui pensent qu'ils peuvent atteindre Dieu en adorant l'eau, en adorant le feu, en adorant les images. Oh, que le Seigneur se révèle à eux, comme il s'est révélé à nous. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, je voudrais apprécier ton nom, je voudrais te glorifier, je voudrais te magnifier parce que tu es un bon Père. Merci parce que nous avons fait le choix. Nous avons donné, dédié notre vie à toi parce que toi-même, tu es mort pour nous. Tu nous as donné ta vie. Merci parce que tu nous as fait connaître ta parole. C'est une grâce de ta part et nous prions pour toutes les personnes encore qui se vautrent dans les œuvres faites des mains d'hommes, pour toutes ces personnes qui se prosternent devant les statues, qui adorent les bois, les marigots, les cellules, les poissons, les forêts et tout autre objet, ta créature que tu as faite et qui néglige et qui abandonne le créateur que tu es. Nous te prions que tu te révèles à elles, que tu les touches, que tu les convaincs, que tu les ramènes dans ta bergerie, car tu étends ta main de grâce encore pour leur donner une grâce, une faveur ce jour par nos prières. Merci parce que quelqu'un renonce au moi, à l'orgueil, quelqu'un renonce à ses pratiques, à ses divinités, à ces choses mortelles et reviens à toi. Sois béni, Seigneur notre Dieu, pour l'amour que tu nous donnes dans notre cœur de manifester pour toi. Merci parce que tu nous as fait comme agent pour appeler cette multitude à la conversion. Merci parce que nous prions pour qu'un grand nombre abandonne les pétiches et vienne à toi. Sois loué pour cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Nous rappelons notre rencontre bonheur conjugal pour le dimanche 28 février. Ce sera à 17h. Ce sera la rencontre des couples mariés. Nous allons développer ce thème, la réalité du combat spirituel dans le couple. Nous allons passer un temps de prière pour repousser toutes les attaques sataniques et démoniaques qui déstabilisent nos familles. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration.